Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte, une série de Pauline Maucor réalisée par Gaëlle Gillon. Au départ de cette série, il y a des images terriblement actuelles d'enfants derrière des grillages et les politiques de répression des migrations qui font qu'ils se retrouvent en centre de rétention, parfois séparés de leurs parents. Il y a aussi cette idée à préserver de protéger l'enfance sans condition et du coup cette envie d'explorer l'histoire et les usages de l'enfermement des mineurs en France et de leurs alternatives. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui aide, des parents à éduquer, un pédopsychiatre contre l'infantilisation, des éducateurs, des pères comme des ogres, des enfants maltraités, des familles d'accueil toxiques, des frères et sœurs et une mère qui raconte des histoires. Ensuite, le décor. Le nord de la France, des tâches ménagères, la fuite en avant, le placement à domicile, des papiers, l'illettrisme, l'inceste, la bagarre, du sucre, la grande précarité, des aquariums et le besoin d'amour. Aujourd'hui, deuxième épisode, on pousse la porte. Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. Épisode 2, la famille ou la prison. Kevin a commis des actes délictueux. Pour son cas, le juge a ordonné un placement à domicile. Quand Kevin pousse la porte de l'appartement familial, il ne rentre plus seulement chez lui, mais dans le lieu où il se confronte au cadre de la sanction fixée par la justice. Vous pouvez entrer. Bonjour. Ça va? Ça tombe bien, parler de toi. On va se voir la semaine prochaine. On va mettre en place un petit peu des règles à la maison, mon garçon. Hein? Parce que là, ça ne va pas du tout. Hein? Il y a des règles. Il y a une, deux fois. Mais... Il y a des règles qui vont être mises en place. D'accord? Mais on va les faire ensemble. Hein? Il faudra les respecter. Et tu me dis, ouais, pour me faire plaisir? Non. Non, non. Mais des trucs simples. Hein? Après, tu sais très bien que j'ai pas un mandat pour toi, on est d'accord, mais si tout le monde veut vivre ensemble, tout le monde doit faire des efforts. Et c'est pas je me sauve toute la journée voir mes copines, mes copains, parce que ça c'est pareil, hein. L'insertion, hein. Falloir aller bosser un petit peu. Hein. L'argent, il va pas tomber du ciel, tu sais. Hein. D'accord. Aussi pour des stages. Donc on voit la semaine prochaine, je dirai à maman quand je viens, et t'es là, hein. Je cours pas après toi dans les rues. Je dois le dire en français, on essaye pour que vous en sortez. Que vous avez un métier. Pas faire des délinquants dans les rues. T'as envie de travailler? Bon, bah voilà, donc... Bah prouve-le. Si tu... Faut mettre en place des choses, quoi. Déjà, ton frère, on le voit déjà d'entrée de jeu, il est motivé. Lui, quand il veut partir, oh, allez, je me casse barré. Oui, c'est pas pareil, moi aussi, je fais un crème sur la carrière, tout ça, il est pas été tout en cours. Ben, mais toi, non, là, alors, attention, attention. Oui, je te coupe tout de suite. C'est quoi? T'as pas été beaucoup à l'école, on est d'accord. Il n'y est pas allé beaucoup à l'école non plus. Vous avez les mêmes difficultés. Mais des difficultés qui ne font pas de vous des gens bêtes. Tu peux travailler dans des domaines. Parce que c'est pas s'exprimer. Mais oui, mais pourquoi je lui dis, au pire, viens avec parce moi. Parce qu'il ne se fait pas confiance non plus. Il y a quand avec ses copains là-bas en bas que là, c'est wesh wesh, tout va bien. Mais quand il faut aller chercher un stage et puis parler correctement à un employeur, ben là, ça ne va plus. S'il y a des démarches à faire, on y va ensemble. Alors, on nous dit c'est pas ça, c'est pas on fait répéter, on fait répéter après que des termes. Ah bah ouais, mais ça s'appelle la frustration, mon garçon. Ça s'apprend, ça se travaille. Au boulot, mon chef, il me fait des fois des réflexions. Et puis même si ça me plaît pas, bah, c'est tout. D'accord. C'est ça, la vie, c'est ça. On fait pas tout ce qu'on veut. On doit rendre des comptes, on a le droit de nous faire répéter des choses. Parce que bah voilà. Les trois sont là, c'est pour t'aider, c'est pas pour t'enfoncer. Ah, c'est pour te donner un coup de main. D'accord. Non, là, il faut vraiment poser les choses. Parce que sinon, tu sais comment ça va se terminer. Je me permets, hein. Allez-y. C'est qu'à un moment donné, ils vont être tous les deux à cran, et puis tu vas avoir ton baluchon dehors, t'es mal. Et bon anniversaire, en fait. Ton baluchon dehors, d'accord. T'as pas envie de ça? Bon. Donc il faut quand même que tu mettes de la bonne volonté. Tu vis à la maison, que tu participes aux tâches ménagères, passer un coup de balai, descendre la poubelle, respecter. Ouais, tu le fais. Bon, t'es pas beaucoup là, apparemment. Tu le fais, mais quand on demande et puis que tu es là. Moi, ce qu'on me dit, c'est que t'es pas beaucoup là. Mais on fera le point la semaine prochaine. Et puis au moins, tu auras le temps de t'exprimer sur me dire ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer. Depuis une dizaine d'années, dans le Pas-de-Calais, la protection judiciaire de la jeunesse expérimente le placement à domicile des jeunes ayant commis des actes de délinquance. L'adolescent reste chez ses parents, il a des horaires fixes de sortie, des éducateurs lui rendent visite de manière soutenue pour le surveiller, mettre en place un suivi social et la reprise en main des règles familiales. Le principe est d'éduquer les parents pour éduquer l'enfant. Cette alternative à l'incarcération se rapproche de la philosophie de l'ordonnance de 1945, fondant la justice des mineurs sur le caractère exceptionnel de l'enfermement. En maintenant le lien avec la famille, le placement à domicile serait moins violent pour le mineur et permet à l'institution de faire des économies. À la demande de la PJJ, pour se conformer à l'ordonnance de 1945, l'anonymat de l'adolescent et sa famille est protégé. Guillaume Monod, pédopsychiatre en milieu carcéral. Il me semble que vous me parliez au téléphone de la justice des mineurs comme une institution qui infantilise au lieu d'aider à grandir. Oui, mais ça c'est vrai d'une part de la justice en tant que telle, mineure ou majeure, et c'est également vrai de toute institution. Une institution comme un hôpital, comme l'armée, comme un monastère, comme une prison. Une institution ne fonctionne que parce que la grande partie des gens sont soumises à l'autorité de la petite minorité qui organise des choses. Une famille aussi ? Oui, bien sûr. Une famille également. Comme je le disais, c'est le paradoxe de l'éducation. Je veux dire, enfermé dans une prison, enfermé dans la justice, c'est infantilisant en sens où on demande aux gens de faire des efforts pour obtenir le but qui leur a été fixé par l'instance dirigeante. On ne demande pas aux gens d'avoir de l'imagination, on ne demande pas aux gens de prendre des initiatives, de faire des choses. La personne qui est en prison doit faire ce que le cadre de la justice et le cadre de la prison imposent. Donc il doit faire comme des enfants qui n'ont pas le droit de sortir tout seuls dans la rue, qui n'ont pas le droit de parler aux inconnus, qui n'ont pas le droit de partir seuls en soirée quand ils ont 16 ans ou 20 ans le soir. C'est dans le même fonctionnement où l'institution impose un cadre dans lequel la personne n'a pas le droit de sortir. L'infantilisation, elle est là. C'est empêcher quelqu'un de prendre des initiatives, empêcher quelqu'un de prendre des risques pour découvrir ce que c'est que la vie, pour faire des découvertes de quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça va, ça va. On peut s'installer ? Oui. Salut. Bonjour. Allez. Oh, on se met autour de la table. Tu te mets où là-bas ? Tu viens pas à côté de moi ? Parce que du coup, on va faire le point sur les démarches. Ouais, ça c'est ce qu'on va remplir ensemble, ouais. C'est pour le sport. Bah, j'en ai fait une copie parce que il voulait rendre impropre. Tu voulais rendre impropre ? Ouais, parce que j'ai ouais, il y a quelqu'un qui a renversé son café sur les papiers. Ouais, bon, alors ça c'est tout bête. Il faut mettre les papiers pas dans l'endroit où on sait qu'on va manger, quoi. Voilà, c'est ça. On essaie de faire en sorte. Bon, là, c'est pas grave, on en fait une copie, mais ce serait quelque chose qu'on doit rendre au juge. Ouais. Ça le fait moyen, quoi. Hein ? On est d'accord. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bien et vous-même? Bah ouais, je vois ça. Vous vous avez réveillé? Oh, je parle fort, hein, vous savez. Je vous le dis toujours. Hein. C'est pas vrai, puis déjà il est l'heure. C'est vrai, c'est ce que je lui ai dit la semaine dernière, 10h30, c'est une belle heure. Hein. Là, il est 11h30. Ouais, 11h30 en plus, monsieur, non mais franchement. Parti faire son café. La petite, tu m'as trouvé l'idée. Bah ouais, bah, il est grand, hein. Il fait son café tout seul. Autre chose, en ce qui concerne les Restos du Cœur, je vous rappelle que vendredi, moi, je ne peux pas vous y emmener, j'ai une réunion à Breuil. Donc il faut que vous vous organisez. Si vous n'y allez pas demain entre 14h et 16h, il n'y aura pas de colis. La semaine d'après, vous devez y aller samedi matin. Mmh. Elle vous l'a écrit sur le carton. Ouais, donc, bon, que tout le monde l'imprègne pour ne pas le louper. Il va falloir prendre en compte ce rythme. Ce serait dommage hein, de passer à côté. Donc ça, je vous l'ai dit. Il y avait autre chose que je devais voir. Ah, les affaires reprennent. C'est pas grave, hein, madame. C'est pas de soucis. Le stress, je vous sens angoissée. Ça message. C'est pas grave. Non, j'ai ma voisine. D'accord. Parce que j'avais demandé une cigarette. Ah, d'accord. Avant de rencontrer la famille de Kevin, nous avons retrouvé Olivier Mignot, directeur, et Lydie Boucher, éducatrice de l'unité éducative de milieu ouvert de Liévin. Aujourd'hui, ça va être beaucoup du travail d'aide pour cette famille. Donc, ça fait un mois que je les suis. La maman, elle a récupéré donc son garçon au 24 décembre. C'est un garçon qui a très peu vécu finalement au domicile de la maman, puisqu'il y a eu un gros suivi de l'aide sociale à l'enfance avant, avec de nombreux placements dans des familles d'accueil. C'est une famille qui est très connue sur le secteur des Nains-Beaumont. Comment ça, très connue? Ben, des problématiques, voilà, les... Donc, la maman a eu trois maris, donc, et en fait, elle a donc un de ses maris, c'était quelqu'un de connu sur le secteur parce que il était un peu beaucoup dans la délinquance. Il a eu aussi des comportements. Il a été incarcéré pour 12 années parce qu'il a violé ses enfants, donc ils lui ont été retirés. Et ensuite, madame s'est séparée de son mari pour se mettre avec le frère de son ex-mari qui était effectivement dans la même dynamique. Donc, ils ont fait des ménages à trois. Enfin, madame, elle est déficiente. Enfin, je pense que c'est un enfant qui n'a pas été stimulé. Donc, du coup, elle a du mal aussi à stimuler ses enfants. Tous ses enfants sont porteurs d'un certain handicap. Alors, ils ont une allocation enfant handicapé. Je pense que c'est vraiment dû à un manque de stimulation et à... C'est des enfants qui ont grandi devant la télé et qu'on n'a pas investi parce que madame, elle était prise par ses problématiques d'alcoolisme avec un mari violent. Elle a jamais su protéger ses enfants. Aujourd'hui, ses deux anciens conjoints sont décédés. Madame a refait sa vie avec un monsieur qui est 20 ans plus jeune qu'elle, qui est lui-même adulte handicapé, donc qui touche une allocation. Ce monsieur, avec sa déficience, c'est quand même l'élément moteur de la famille qui remet un peu de rythme et un peu de stabilité auprès des enfants. Mais voilà, madame, pour qu'elle soit accessible à tout ça, il faut que j'arrive... Elle connaît bien les services sociaux, donc si je la prends de la même manière, je vais arriver au même débouché, il faut que j'arrive à la prendre à contre-pied. Donc, en l'aidant dans ses démarches, en créant cette relation de confiance, parce que je la véhicule, je l'emmène... Enfin voilà, hier, on est allé au Resto du Cœur, puisque... Bah, parce que le jeune avait pu me confier qu'il y avait du pain dans le congélateur. Et, enfin, vous allez voir, au domicile, c'est vraiment très, très précaire. C'est parfois... Enfin, on est dans un milieu précarisé, mais là, on est vraiment sur une famille qui est vraiment très, très précarisée. Donc, après, le jeune, le fait qu'il n'ait pas vécu beaucoup avec sa famille, finalement, il s'en sort bien. Et il se rend bien compte, là, qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Pareil, c'est bête ce que je vais dire, mais votre présence, je l'ai travaillé avec eux, parce que forcément, il fallait que j'ai l'adhésion. Et du coup, hier, il a pu me dire, oh, bah, va falloir que je fasse le ménage, parce que sinon, je suis pas sûre que ça va être fait, quoi. Alors que bon, il a que 16 ans, enfin, je veux dire, c'est pas son rôle d'enfant de penser à comment on va accueillir les gens. C'est à sa maman de se soucier de ça. Il était angoissé à l'idée de, je vais pas savoir m'exprimer, parce que c'est un enfant, ben, il est très, ne sait ni lire ni écrire. La maman, elle ne le reconnaît pas, mais elle me le dit à demi-mot. Donc ça va être un travail aussi qu'on va devoir faire sur du plus long terme. Lui, il est en demande d'apprendre à lire et écrire, mais c'est vrai qu'il peut avoir du mal à s'exprimer, il peut se rendre mutique s'il se sent oppressé, voilà. Donc il faut créer la confiance pour pouvoir accéder et pour qu'il puisse se livrer sur ce qui se passe au domicile, parce que finalement j'y vis pas, j'y vais une heure, deux heures par jour. On peut me montrer le bon côté et puis c'est la relation de confiance qui permet de pouvoir se livrer, de pouvoir me dire à un moment donné, bah, on n'a pas mangé, on a que du pain, et... parce que madame, elle ne m'en avait pas parlé. En tout cas, en termes de démarche, on arrive au bout. Donc maintenant, on va évoquer les règles, les heures de coucher, les heures de lever. Les heures de lever, 11h30, c'est pas possible. Ah bah ouais, je vous fais rire, monsieur, je le sais bien. Je vous mets de bonne humeur, mais je le sais. Mais vous savez que ma venue, c'est toujours joyeux. Hein? Non, mais comme hier, le fait que j'appelle à midi et demi et que tu me dises, oh, je viens de me lever, bon, c'est moyen, alors. Moi, mon inquiétude, c'est ce que je t'ai dit hier, hein, c'est que finalement, au moment où il va falloir se lever pour aller au boulot, est-ce que ouais, ça ne va pas être trop compliqué? Ouais. Ben, on verra, si les on premiers jours. Ben ouais, mais vous vous couchez aussi tard que lui, non? Nous, on a quel âge, madame? Ben ouais, mais non, mais du coup, si vous l'autorisez à regarder du catch avec vous, monsieur. Quand il travaille pas. Ah ouais, d'accord. Ah bah, d'accord. Quand il va travailler, on est d'accord. Ah bon, on est d'accord, c'est très bien. La question, c'est à un moment donné, si du coup tout le monde dort, qui est-ce qui va se rendre compte qu'il n'est pas parti au travail? Vous comprenez? Oui. Voilà, donc tant que parent, c'est aussi bien qu'on puisse veiller. Puis que vous puissiez m'appeler en me disant, il ne s'est pas levé, il n'est pas parti. Donc voilà, ça, il va falloir qu'on remette en place. Les règles, c'est vraiment... Après, pour l'instant, il n'y a pas de débordement, il est plutôt respectueux, là, à la maison. Sauf hier. Ah. Là, moi, j'avoue, hier. Qu'est-ce que tu as fait hier? Bah, ta gueule à ma mère. Ah non, mais alors là, ça va pas du tout. Elle a cuisine. Mais pourquoi? Elle m'a cassé les bonbons. Pourquoi elle t'a cassé les bonbons? Ah, parce que. Bah, il y a bien un motif. Tu te tais, toi. Oui. Allez, dis la vérité. Bah, déjà, c'était une fois pour du sucre, déjà. Parce que j'avais demandé pas du sucre, et puis bah. T'avais demandé du sucre? Et j'ai mal parlé. Mais alors, attends, je comprends pas. Tu demandes du sucre? Ouais. Et tu lui dis bah, elle voulait pas. D'accord. Bah, moi j'ai. Le truc qui t'a crevé. Parce que ce que dedans dans ton café. Qui? Ouais, mais moi non. Ah ouais, mais ouais. Les 4 kilos de sucre, moi avec eux, c'est 2 jours. Ouais. Moi je touche des sous tous les vendredis. Ouais. 2 jours avec kilos de sucre, c'est pas. On est d'accord, c'est pas possible, monsieur. On est d'accord, faut. Moi mes sous, c'est toutes les semaines. Oui, je le sais. C'est entre 2 mois. Après, si j'en ai plus, j'en ai plus. Je fais galère. Alors si j'ai pas mon café le matin, vous allez me voir en rage. Un truc de dingue. Mmh. C'est même pas la peine de m'énerver. Hier, je disais rien. Il a demandé du sucre, maman l'a dit non. Mmh. Il l'a mal pris. Attends, il était dans la cuisine. Il était avec son frère. Elle commençait à dire ta gueule, je t'emmerde. Ça, je m'aime pas. Non. Ça passe pas du tout. Donc vous êtes intervenu? Je suis intervenu. Du coup, je dis, c'est quoi ça? C'est quoi le délire? Il a commencé à faire l'homme devant mon nez. Quoi? Son frère est intervenu derrière moi. Oh, je dis, toi, si tu prends en traite, je te casse en deux. Je dis, toi, si tu veux, si vous voulez taper en deux, je vais en faire venir un autre. Je vais vous prendre tous les deux, on va taper en deux à 4 euros. Ah non, pas de bagarre, pas de violence. Je ne veux pas de violence. Vous l'avez mal pris. Et est-ce que tu t'es excusé à ta mère? Ah non, pourquoi? Hein? Non, pourquoi? Ah, pas encore. Donc, est-ce que tu envisages de t'excuser à ta mère? Ah ouais. D'accord. Et vous êtes positionné comment, madame? Non, allez. Ouais, mais faut vous positionner aussi. Vous y allez tous les jours? Alors, le placement dure 3 mois. La première phase, sur les 3 premières semaines, on peut y aller 4 voire 5 fois par semaine, des fois 2-3 fois dans la journée, suivant la sollicitation de la famille. Y a des familles qui vont nous solliciter beaucoup, d'autres beaucoup moins. Ensuite, sur la deuxième phase, donc jusqu'à 2 mois et demi, en fait, d'échéance de placement, ben, le but, c'est d'y aller de moins en moins, finalement, pour voir s'ils arrivent à remettre en place les règles sans notre présence. Et sur les 15 derniers jours, on essaie d'y être pas du tout présent. C'est que des coups de téléphone. Enfin, si vraiment il y a des démarches à faire, on y va. Mais voilà, pour dire de voir si après notre intervention, il est capable de rester à la maison et il est capable de respecter le cadre qu'on lui pose. Là, pour le jeune, on n'en est pas encore sur cette phase-là. Je pense que on peut déjà se le dire, on sera certainement sur une prolongation d'intervention parce que on part de très loin et qu'effectivement, se lever, ben, pour madame, même s'il se lève à 15h, comme il se couche à 5h du matin, enfin, c'est leur rythme. Ils sont pas sur un rythme de se lever pour aller travailler comme nous, on a l'habitude de le faire. Donc, c'est vrai que, mais il en demande. Donc quand on a un jeune qui en demande, qui veut qu'on l'aide à préparer sa majorité du mieux possible, qui se rend bien compte finalement qu'au domicile, ben ça va être compliqué pour lui de se construire, même s'il aime, enfin, il est pris dans un conflit de loyauté, il adore vivre avec sa mère, parce qu'en même temps il a besoin de venir vérifier qu'il y est à sa place, il y a tellement peu vécu. Et puis il a aussi fugué des institutions pour revenir à sa maison à chaque fois, tester qu'il avait bien encore sa place. Est-ce qu'il était placé pratiquement toute son enfance? Oui, il a été placé à l'âge de 2 ans. Dans un premier temps, c'est l'aide sociale à l'enfance qui a pris le relais. Donc, il y a eu différentes familles d'accueil. Une avec laquelle il avait vraiment bien accroché. Mais ces gens ont déménagé dans le sud, donc ça s'est arrêté. Et après, ça a été la descente un petit peu. Il a jamais réussi à réinvestir une autre famille d'accueil. Il a eu des orientations sur des placements en collectif où ça s'est pas bien passé parce que c'est un jeune qui est sur un collectif. Il est très gentil, donc il est vite mis à mal. Collectif, ça veut dire foyer. Oui, c'est ça. Puis ensuite, il a été orienté sur un IME avec son frère qui a 18 ans. C'est un institut médico-éducatif. Éducatif, oui, c'est ça. Suite à une reconnaissance de handicap. Hein, et en fait, ils ont tout dégradé. Donc, il est passé au pénal. En fait, il a basculé sur une prise en charge pénale au moment des incidents qu'il a pu poser dans le cadre de cet institut. C'est assez fréquent, ça, que les jeunes placés à l'ASE finissent par prise en charge par la PJJ, la protection judiciaire de l'enfance ? Oui et non. Tous les mineurs qui ne sont pas pris en charge par l'ASE finissent à la PJJ. Par contre, on a quand même, nous, beaucoup de mineurs qui ont eu un long parcours institutionnel à l'ASE et qui finissent par poser des actes de délinquance. Par contre, le point commun de tous ces mineurs, c'est la rupture du lien qu'ils ont vécu à un moment dans leur parcours de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, soit des placements trop longs et qui commencent à devenir difficiles à gérer par les établissements à l'aube de l'adolescence. Et du coup, faute de solution, l'aide sociale à l'enfance renvoie les mineurs auprès de leurs parents. Et donc du coup, c'est tout simple. Hein, des parents ont vu partir un enfant de 2 ans, ils récupèrent un ado en pleine révolte de 15 ans et ils sont incapables de poser les limites qu'ils n'ont pas posées. Et en plus, il faut aussi eux qui découvrent et qui construisent même un lien avec un enfant qui, de fait, dans le quotidien, n'est plus leur, en fait, sur le plan éducatif. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et effectivement, ça, clairement, ça crée des enfants qui ont du mal à se stabiliser au domicile, qui vont sortir, qui vont se socialiser avec leurs pères et leurs copains dans les quartiers, et qui vont commettre des actes de délinquance. Voilà. Et après, effectivement, on a aussi beaucoup de mineurs qui vivent mal des fins de prise en charge en famille d'accueil. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent. Où des prises en charge en famille d'accueil s'arrêtent brutalement, soit parce qu'il y a des incidents en famille d'accueil, soit parce que la famille d'accueil prend sa retraite, ou soit tout simplement parce que la prise en charge étant trop longue et que les liens d'affect entre le mineur et la famille d'accueil sont trop forts, on met fin à la prise en charge. Et c'est vrai que ça, du coup, ça bascule des mineurs sur une forme de colère qu'ils expriment très rapidement. Et c'est vrai que le circuit est souvent le même, hein. Ils sont placés en institution, ça se passe mal, ils commettent des actes de violence contre les professionnels qui travaillent dans ces grands foyers, ou ils sont malmenés par les autres jeunes dans ces mêmes foyers, ils subissent des violences, là c'est le cas de ce mineur-là, mais on a d'autres mineurs aussi qui ont vécu des violences en institution parfois très fortes. Et ça, pour les parents, c'est compliqué à vivre. On a reçu justement une mère hier, et c'était l'une des choses qu'elle exprimait, de très compliqué à vivre. C'est qu'à un moment, elle avait été en difficulté dans la prise en charge de son enfant, demandé de l'aide, et finalement, quand ce placement se met en place, qu'ils ont souhaité parce qu'ils n'y arrivaient plus, dans le cadre de ce placement, leur enfant a été abusé. Et ça, pour les parents, c'est compliqué à vivre, parce que... J'étais en foyer. C'était là, dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Il a été abusé dans le cadre de par les autres jeunes. Et c'est vrai que ça, du coup, pour les parents, il y a un double sentiment de culpabilité, de ne pas avoir réussi à être parent suffisamment fort pour pouvoir garder son propre enfant en domicile et poser les règles, et puis de se dire, on a une part de responsabilité dans notre échec, parce que notre échec fait qu'il est victime de choses, et donc on n'a même pas su le protéger dans nos difficultés, en fait. Et ça, c'est des choses qu'il faut reconstruire avec eux, en fait. Et je pense que les éducateurs, c'est ce qu'ils font, en les réassurant, en essayant de distinguer les choses, en fait. Est-ce que cette réponse judiciaire, cette réponse de sanction répressive, est-ce que ça vous permet, est-ce que ça te permet, toi, de te sentir suffisamment bien pour t'épanouir, pour avancer dans la vie, ouais, pour te sentir... En gros, je vais vous dire, j'ai fait des congrès à l'IME juste pour quitter l'IME, pour... Elle allait dans une autre école parce que l'IME ça me plaisait plus, c'était plus c'était plus mon point fort là-bas parce que ça faisait plusieurs fois que je demandais de changer d'école et ils ne voulaient pas. Tu te sentais pas? Alors, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait des jeunes qui étaient, bah, ils étaient handicapés et moi, j'aime pas trop traîner avec des handicapés. Surtout, il y en a qui se moquent des handicapés et moi, je sais que je vais mal réagir. Il y en a qui se sont moqués. Et je les ai pris dans la cour, c'est pas pour autant. Alors, à force, je suis devenu agressif. J'ai retourné le bras de l'infirmière, puis après, j'ai refait. J'ai tapé l'infirmière, j'ai retourné son bras, puis après, excusez-moi. Après, le directeur aussi faisait me tirer les oreilles, alors ça me plaisait pas. Alors, à chaque fois, je disais aussi à ma mère. Parce que comme je me suis fait opérer des oreilles aussi, à force, comme c'était pas encore bien soigné, alors je disais arrêtez, moi je viens me faire opérer des oreilles, puis tout, et puis il n'y a pas écouté, puis bah, et après j'ai commencé à faire des conneries. Et après, pas respecter. Pas dire respecter, c'est passer, comment dire ça. On n'écoutait pas ce que tu avais envie en fait, finalement. Non. Tu non. Dis, t'avais beau dire je veux pas être ici, on te laissait là. Ouais. Mais je demandais à ma référente de me changer de place, elle ne voulait pas non plus. Alors, à force, ça m'a agacé. Puis j'étais à l'IME un soir et puis j'ai foutu le bordel. C'est-à-dire ? J'ai cassé des carreaux, j'étais déposé Nutella par terre, j'ai foutu le bazar dans la cuisine. J'ai volé des montres, j'ai volé des téléphones. Ouais, un shot. Tu te sentais enfermé? Pas enfermé, parce que moi, je connais des techniques pour passer de là-bas. Alors, c'était facile pour passer pour moi. Pour fuguer? Ouais, pour fuguer. Et à chaque fois, le beau-père me ramenait jusque là-bas, n'est-ce pas? Ah, mais t'as fugué une paire de fois? Ouais. Plusieurs fois. Ouais. Bon, une bonne dizaine de fois. Donc si tu fuyais, ça veut bien dire que tu te sentais enfermé là-bas. Non, c'est pas. On faisait des sorties, mais ça me plaisait pas beaucoup. C'était des sorties de gamins. Pourquoi foutu le bordel de l'IME? Et du coup, t'es passé devant la juge, le juge? Ouais. En fait, j'étais en garde à vue. Le soir, j'étais en garde à vue. À 5h du matin, j'étais en garde à vue. Après, au matin, j'ai été déféré à Béthune. Béthune, ils m'ont convoqué. Je suis passé dans un bureau et après là, c'est là le moment que j'ai été au pénal. Alors, pénal, je trouve que j'ai bien réussi mon coup en fait. En gros, j'ai fait mon coup, mais j'ai réussi à m'en sortir en fait. J'ai peut-être fait ça, mais j'ai dit, je le regrette pour eux parce qu'ils avaient quand même. Il y avait quand même des milliers à payer, hein. On n'a pas fait que des petits dégâts. Après, on a été convoqué à l'IME là-bas. Puis ils ont fait voir les photos. L'autre, ça lui fait rigoler, mais moi non. C'était pas comme si j'étais en colère. C'était. C'est quand même de la colère. Mais dans une autre façon, dire laissez-moi partir de là. Et puis, basta. Mais par contre, il y a un flic qui m'a pas plu, qui m'a mal parlé, mais il a parlé mal quelqu'un aussi. Et c'est ça qui m'a pas plu aussi. Et qu'est-ce que t'as fait? Je voulais en parler au juge, mais j'ai pas. Là, ce coup-là, je n'ai pas parlé, mais. En plus, je lui ai dit dans les yeux, je lui ai dit, faut que je te revoie parce que. Il a parlé mal de mon père, voilà, c'est tout. Il m'a mis les menottes, alors je pouvais rien faire. T'as l'impression que les adultes, ils font un peu n'importe quoi avec des gens. Ils prennent des décisions qui sont pas bonnes pour enfants. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de l'IME, des adultes, des chauffeurs de bus, parce qu'il y avait des chauffeurs de bus, il y a des éducateurs qui partent de là-bas parce que maintenant, l'IME c'est pourri pour eux. Quand les tchouis demandent, parce qu'il y avait chacun. Quelqu'un qui faisait une réunion, mais en fait c'était des jeunes C'était des délégués, comme on dit ça. On faisait une réunion ensemble. Et quand on expliquait aux jeunes pourquoi on voulait être délégué pour faire plus de sorties ou des trucs comme ça. Et bah, les jeunes qui ont demandé ça, ça s'est jamais mis en place en fait en gros. Ils ont jamais acheté de ballons, ils ont jamais acheté des nouveaux trottinettes, rien du tout. On essaie de les mettre en lien, de les mettre en interaction le plus possible, de les mettre dans la confidence, dans la confiance. Mon modèle de famille n'est pas le leur, donc on part de leurs compétences à eux et de ce qu'ils sont capables de mettre en place pour leur enfant. Si moi j'estime que le jeune il doit rentrer à 19h, mais que pour eux 19h c'est trop tôt et que pour elle 22h c'est sa normalité, et ben la règle c'est qu'il doit rentrer pour 22h. C'est, on construit quelque chose à partir de ce qu'ils sont capables de mettre en place. Faut pas être plus royaliste que le roi. Vous en avez combien, des aquariums? J'en ai deux, et ça c'est ma passion. C'est-à-dire que les garçons ils touchent pas, il y a que moi. C'est quoi les poissons? Ben là c'est des néons roses, après j'en ai des noirs. Là dans le fond, en dessous de la plante, c'est un laveur de vitre. Dedans j'ai un dominant avec la queue rouge. Et puis ben, dans celui-là, c'est tout ce qui guppille avec femelle. Mais ça c'est... C'est comme une famille, ça. Si on me détruit ça, bah, je vais venir méchant. Oh, d'ouvert. Ah ouais, ouais. C'est beaucoup, ces enfants. C'est vrai. Ah ouais. C'est quoi, là? Pour moi, la famille, c'est sacré. C'est que j'étais placé pendant ces temps. C'est que dès que j'ai commencé à perdre le père, bah, mon cerveau il s'est retourné carrément. Et là, j'ai changé du jour au lendemain. J'ai commencé à dire merde à tout le monde. Et ceux qui veulent s'affronter, bah, ils viennent s'affronter avec moi. Ceux qui t'es bien avec moi, je vais être bien avec toi. T'es pas bien, partout. Et la famille, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on a besoin de moi, je vais foncer le premier. C'est-à-dire que s'ils font des conneries, ben, je serai là le premier à intervenir. Si un de mes tours se fait taper et qu'il n'arrive pas à le défendre, ben, moi, je vais rentrer dans le tas. Pas de violence, monsieur. Quand il faut, il faut. Non. Si. Non. Si. Ben alors, ça, on va en reparler. Hein. Bien sûr. Ben, je vous le dis, on va en reparler. Mais non, sinon, c'est... Non. C'est, la famille, c'est comme ça, c'est que quand on a besoin de moi, je suis première forcée. Oui, mais pas de violence quand même. Mais bon, il y a des moments, je suis pas méchant, mais bon. Je suis plutôt côté gentil que méchant. C'est vrai. Très souvent, dans les mineurs qu'on prend en charge, la question de la sanction au domicile n'existe pas. Très souvent, la sanction qu'ils ont connue, c'est pas de la sanction, c'est de la maltraitance. Et donc, en fait, on a des parents qui, très souvent, soit sont démunis et ne sanctionnent plus, soit ont sanctionné par la violence, par le passé, et effectivement, se retrouvent là de nouveau démunis dans la prise en charge de leur enfant adolescent, puisque soit parce qu'ils ont été sanctionnés, eux, pour leur maltraitance, ou soit tout simplement, leur modèle, entre guillemets, éducatif, ne tient plus parce que le rapport de force entre leur enfant violent s'est inversé. Et du coup, il faut travailler avec les familles à poser les règles au domicile, remettre des sanctions qui sont éducatives, sortir du champ de la maltraitance, et qu'ils soient eux aussi en capacité de venir punir leur enfant sans retomber dans ce qui a amené tous ces parcours chaotiques de vie. C'est toujours l'éternel débat entre la place de la liberté et la place de la contrainte dans la prise en charge éducative. Moi, je pense qu'on peut et qu'il faut allier les deux. C'est-à-dire qu'il faut aménager la liberté dans les prises en charge, mais c'est pas une liberté insécurisante. Et il n'y a rien de plus insécurisant au final pour un mineur d'avoir le sentiment que tout peut arriver parce que de toute façon, il n'y a pas de limite. On peut penser que c'est quelque chose qui est sécurisant, c'est faux. Avec les mineurs qu'on prend en charge dans un cadre pénal, l'absence de limite, c'est quelque chose qui est très insécurisant chez eux. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que ces mineurs-là, dans leur milieu familial, dans leur plus jeune enfance, ils ont vécu avec tout ce qu'il y a de plus dramatique, l'absence de limite familiale. Parce que l'absence de limite, c'était la maltraitance, l'absence de limite, c'était les abus, l'absence de limite, c'était l'errance, l'absence de limites, c'était les violences entre parents. Et eux, on peut effectivement, ils sont avides de liberté. Mais si en face d'eux, ils ont des adultes qui leur envoient que finalement, il n'y a pas de limites, au fond d'eux, ça leur envoie aussi à leur passé, avec tout ce que ça a pu impliquer, l'absence de limites dans leur construction. Tu vas souvent sur la tombe de ton père ? Non, pas beaucoup. Mais combien ? Quand je suis triste. Et quand c'est la fête des popos, c'est tout. Sans son père, il est perdu. Mais quand je lui dis de m'en parler, qu'est-ce qu'il y a ? Il peut pas. Et il y a quoi ? Il se sent enfermé. Enfin là, moi je trouve qu'il a quand même beaucoup gagné en maturité parce que moi j'ai pas un... Je suis d'accord avec vous, je suis du même côté que vous. Bien sûr, il y a encore des choses à travailler, tout n'est pas réglé, mais on est là. C'est tout ce qu'on veut, qu'il s'en sorte, bah oui, qu'il prend ses ailes, qu'il vole comme un oiseau. C'est tout ce qu'on veut, qu'il soit pas délinquant, en train de faire ouest ouest dans les rues, ouest mon pote. C'est que tu prends tes bras là et puis que tu voles comme un aigle. Et au revoir maman. Fanny, Loïc et Nicolas sont issus de la même fratrie. Ils ont été placés très jeunes dans 3 familles d'accueil et ont construit des trajectoires de vie différentes. Fanny travaille dans le secteur associatif, Loïc est à Sciences Po, Nicolas sort de prison. Leur histoire, révélatrice des lacunes de la protection de l'enfance, questionne le mythe de la famille normée comme lieu d'épanouissement et rappelle qu'elle peut même être le creuset de situations maltraitantes conduisant à la délinquance. Aujourd'hui, Fanny et Loïc sont engagés dans l'association Repère, réseau d'entraide pour les jeunes sortant de l'ASE. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour. Bonjour. Alors. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre famille? On est 3 dans la fratrie. Notre grand frère qui n'est pas là. Notre grande sœur. Et puis moi qui suis le dernier. Il a 31 ans. Et moi j'ai 30 ans. On doit avoir 11 mois de différence à peine. Voilà, et puis moi j'ai 27 ans. Et donc on est à Brazzaville. Et moi je suis né en France. Ma mère est venue en France au moment où elle était enceinte de moi. Pourquoi il n'est pas là? Il n'est pas là parce qu'il a souvent pas son téléphone portable, donc on n'a pas réussi à le contacter. Et puis parce qu'il a une vie aussi assez nomadique. Donc pour raconter un peu notre histoire, on a été placés tous en même temps en foyer de l'enfance. Et on avait, alors moi j'avais 4 ans, donc 5, et tu devais avoir 15 mois. Donc on a été placé en même temps en foyer de l'enfance et puis après on est resté un an en foyer de l'enfance à peu près, peu ou prou. Et ensuite après ça on a été placé dans différentes familles d'accueil, donc on a été séparés. On n'a pas grandi ensemble. Malgré tout on a réussi à garder un lien, mais forcément il est retourné chez notre père quand il avait 13 ans. Donc là à partir de ce moment-là, sa trajectoire de vie elle a été complètement différente de nous vu que nous on est resté en placement jusqu'au bout. Et quand il est retourné chez notre père, après il est pas resté très longtemps chez notre père, il est vite retourné en foyer ensuite, et là en fait pour nous on s'est beaucoup moins vu, ça a été beaucoup plus compliqué de se voir, et pour autant on a quand même réussi à garder des liens. Mais après tout ça, il a fait beaucoup de passages en prison. Donc aussi, c'est pour ça que des fois, on a du mal à le retrouver forcément. Il vit aussi sa vie nomadique, quoi. Quel a été votre parcours ? J'ai eu un parcours, ce qui est assez rare quand même à l'aide sociale à l'enfance, un parcours assez, je vais dire linéaire, stable, puisque j'ai vécu dans la même famille tout au long de mon parcours, jusqu'à ma majorité, avec à peu près les mêmes personnes autour de moi, durant toute mon enfance. Et c'est sûr que j'ai eu cette chance-là, en tout cas, d'avoir été entouré par des personnes dont je peux dire aujourd'hui qu'elles étaient quand même formidables. Je ne pensais pas toujours, surtout à l'adolescence, à certains moments. Mais rétrospectivement, quand on fait le bilan, on se dit qu'on est plutôt chanceux, surtout que c'est toujours un peu la loterie. Et là-dessus, je dirais que j'ai, par exemple, été beaucoup plus chanceux que mon frère, quoi. Donc, pourquoi ? Il a été... dans une famille qui, à mon avis, n'était pas prête à accueillir un enfant qui venait comme ça directement de Brazzaville, placé en plus à la campagne. Enfin, je pense que c'était un choc culturel important pour lui comme pour la famille, quoi. Et puis vivre des choses racistes comme ça dès le plus jeune âge, alors que vous êtes dans une institution qui est censée vous protéger, ça crée forcément de la frustration et à mon avis quand même un rapport au monde beaucoup moins sécure, beaucoup plus offensif, quoi. Quand on voyait notre mère une fois par mois à ce qu'on appelle des permanences, on voyait bien que il était habillé avec des habits sales qui sortaient du Secours catholique. Il était toujours avec des trucs troués. On sentait bien que voilà, et on s'occupait, il y avait personne pour s'occuper de lui. Et puis sa famille d'accueil, on voyait comment elle parlait. Donc on savait déjà. Quand il a changé de famille d'accueil, il était dans une famille d'accueil qui était vraiment des gens très bien, mais c'était déjà trop tard. Est-ce que vous pourriez nous raconter à quel moment vous êtes placé, si vous en souvenez, et puis comment ça se passe dans chaque famille? Je suis arrivée dans ma première famille d'accueil, j'avais 6 ans. Et quand je suis arrivée là-bas, il y avait déjà un autre enfant qui était placé, qui avait un an de moins que moi, Mickaël, Mimi. Et il était aveugle et légèrement autiste. Donc, en fait, ma famille d'accueil a été super parce que du coup, ils ont vraiment essayé de nous lier. C'est devenu mon petit frère. Il apprenait le braille, donc j'apprenais aussi le braille en même temps que lui. Puis après, Mickaël, quand j'avais 9 ans, est décédé. Et là, ma famille d'accueil a fait une dépression. Ils avaient une maison dans la Creuse qu'on rénovait depuis quelques années. Ils ont décidé d'aller vivre là-bas. Ils ont demandé à m'emmener et l'aide sociale à l'enfance a refusé. Parce qu'il y avait changement de département ? Oui, parce qu'il y avait changement de département. Ils ont refusé que ma famille d'accueil m'emmène avec eux. Et je pense que ça a été une énorme erreur de leur part. Pourquoi ? Parce que j'étais bien là-bas, parce que j'étais dans une famille d'accueil qui m'aimait. Ça ne veut pas dire que celle d'après ne m'a pas aimée. Mais en fait, un enfant a besoin de stabilité. Et donc déjà, on crée des repères quelque part. On n'est pas un produit interchangeable. Voilà, une famille normale, quand elle décide de partir parce qu'ils sont mutés, ils ne laissent pas leur enfant sur le bas-côté. Donc il y a quand même des solutions à trouver pour garder ce lien-là. Et voilà, et moi je trouve qu'en plus, avec le deuil qu'on traversait du décès de Mimi, oui, mon frère adoptif, ils m'ont pas laissé faire mon deuil. J'aurais dû rester dans cette famille-là pour faire mon deuil. L'ASE leur a reproché de donner trop d'amour. Ça a été un des reproches qui leur a été fait de pas être à leur place, en fait, et de se substituer parce qu'on avait des parents. Mais mon père, par exemple, a voulu nous récupérer. Et moi, je sais très bien que je voulais rester dans cette famille d'accueil-là. Et c'est pas parce que j'aimais pas mon père, mais c'est parce que j'étais habituée à cette famille d'accueil-là et que lui, il revenait et que je le connaissais pas encore, quoi. Donc, on ne s'était pas apprivoisé, entre guillemets. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas retourné chez notre père, alors qu'il avait clairement, les possibilités de nous accueillir, en tout cas au tout début de notre placement, ça vient aussi beaucoup du fait qu'il n'avait pas du tout envie de se plier à la norme de l'institution, en fait. Et donc, son comportement, son attitude qui était très... assez offensive en disant « bah c'est mes gosses et je veux les récupérer ». Je pense que déjà ça, en fait, ça faisait que c'était très compliqué pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance d'entendre sa demande. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a des choses plus terre-à-terre, basiques, de « est-ce que l'appartement est assez grand ?», etc. Mais il y avait déjà, en fait, je pense, d'emblée, un a priori négatif qui était posé parce que les codes culturels n'étaient pas les mêmes. Je ne sais pas exactement comment ça se passe maintenant pour récupérer son enfant, mais nous, à l'époque, notre père, quand on a été placé, il est tout de suite rentré et ce n'est pas normal qu'il n'ait pas pu nous récupérer. Revenu en France. Et c'est quand même assez étonnant. Il a bataillé. On lui a demandé d'avoir un logement. Il a trouvé un logement. On lui a demandé d'avoir des revenus. Il a trouvé des revenus. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé et il a pas pu nous récupérer. Il a pu récupérer notre grand frère parce que a fait une grève de la faim pour retourner chez mon père. Il y a une étude un peu internationale qui est en train de se faire sur la situation économique des parents d'enfants placés. On peut faire des corrélations entre la précarité, par exemple les femmes seules qui vont être assez précaires et qui vont faire des horaires compliqués, etc. Moi, j'étais prof en REP à Drancy et j'en voyais beaucoup qui n'avaient pas le temps. Ça ne veut pas dire que c'était des mauvais parents. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, si on n'a pas d'aide, on peut pas s'en sortir. Et notre mère, c'est exactement cet exemple-là. Notre mère, elle était baignée dans un environnement qui était néfaste. Si elle avait pu avoir son logement toute seule, elle aurait peut-être pu, j'en sais rien en fait, on peut refaire la vie, hein. Ça se trouve, elle aurait pas pu. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on est là, nous trois, ce qu'on est et les capacités qu'on a, c'est grâce à elle. Moi, je le pense vraiment sincèrement. Les trois premières années de notre vie, c'était elle. Quand elle venait nous voir en permanence ou quand on allait sur Paris, j'ai des souvenirs d'elle nous emmenant au tribunal de justice. Elle nous expliquait toutes les moulures et l'architecture. C'était quelqu'un, elle nous parlait en arabe, elle nous parlait dans plein de langues, elle nous chantait beaucoup de choses, elle nous lisait des livres. Et donc, du coup, elle nous a donné moi, je me souviens, tous les soirs, elle me lisait les mille et une nuits, et puis elle faisait, les voix ou les fourberies de Scapin, etc. Et c'était l'avare qu'elle faisait très bien. Elle se mettait par terre, je vais mourir, etc. Donc, elle était très théâtrale et elle nous a donné aussi ce capital culturel. Et je pense que vraiment, avec un meilleur accompagnement, elle aurait pu faire plus. Ce qui est sûr, c'est quand on a été placée, elle est tombée. Elle est vraiment tombée, voilà quoi. Et elle s'est pas relevée. Vous, c'était important d'être placée dans une famille qui ressemblait à une famille traditionnelle française. Vous auriez préféré autre chose? Je sais pas, de toute façon, c'est sûr que le fait d'être placé dans une famille traditionnelle française, ça vous donne des repères, ça c'est clair. Les repères du quotidien, c'est-à-dire que c'est aussi le gros avantage des familles d'accueil, c'est que vous êtes quand même dans un cadre familial par rapport au foyer. Moi, je suis clairement plus favorable à l'accueil en famille d'accueil qu'en foyer, je le dis très clairement. Je sais très bien que l'accueil collectif en foyer, ça peut être une solution pour beaucoup d'enfants, mais je pense plutôt quand même aux adolescents, quand le cadre de la famille d'accueil marche pas, parce qu'ils n'ont pas envie de s'affilier, etc. Mais pour autant, vivre en collectivité en permanence, je pense que c'est très très difficile quand même pour les enfants. On se développe pas quand même de la même manière que dans un cadre familial. Donc c'est sûr que ça donne des repères, les repères du quotidien, c'est-à-dire vous avez quand même un fonctionnement familial classique avec des temps forts dans la journée, des horaires, enfin bref, un cadre qui est repérant en fait. Et puis vous appréhendez, même si c'est pas votre famille biologique, vous appréhendez en fait ce que pourrait être votre famille à vous future. Et ça c'est intéressant quand même d'avoir ce repère-là. Moi, je me pose en opposition sur les foyers. Je pense que ça, c'est quelque chose, dans un siècle, on se dira, mais c'est pas possible, quoi. Vivre en collectivité, c'est aliénant. Quand de tout petit jusqu'à ses 18 ans, c'est aliénant. On n'a pas à devoir supporter, en fait, 15, 20, 30, 40, 50 personnes qui ont chacune leur vécu, chacune leur trauma au quotidien. Je trouve que c'est pas du tout sain. Et c'est sain pour personne. Il y a énormément du coup de violence qui peut être répercutée sur d'autres enfants. On doit pas en fait vivre tous nos problèmes tous ensemble, etc. Comme parce qu'on a chacun une histoire. C'est pas parce qu'on est placé, c'est pas parce que nos parents à un moment donné ont pas pu s'occuper de nous que on a tous eu le même parcours. Il y en a qui sont pupilles de l'État et d'autres qui vont être placés beaucoup plus tard, d'autres qui vont avoir vécu des violences sexuelles, etc. Donc nous mettre tous ensemble, c'est un peu, je trouve que c'est un peu l'asile des fous, quoi. Mettons toutes les problématiques ensemble, essayons de faire un grand mélange, un melting pot, et on va voir ce que ça va faire, ce qu'on va faire de ce petit pot pourri. Donc moi, les foyers, c'est vraiment une question. Mais ça ne veut pas dire que les familles d'accueil, c'est bien non plus. Ce qu'il faut se dire, c'est juste que tant que la formation, elle n'est pas mieux faite, que ce soit pour les travailleurs sociaux, pour les familles d'accueil, pour tous les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ça sera un problème. Et la formation, ça passe par connaître aussi la Convention internationale des droits de l'enfant. On se rend compte que beaucoup ne la connaissent pas. Et dedans, le préambule, c'est le droit à l'amour. C'est quand même fondamental. Alors que là, on nous parle tout le temps de distance professionnelle versus juste proximité, ça veut dire quoi? Arrêtons de dire des mots compliqués, donnons juste de l'amour. Un enfant a besoin d'amour. Moi, je trouve qu'on devrait être beaucoup plus pragmatique sur ces choses-là. Et je rajouterais que Ce qui est assez difficile, justement, au moment de la crise d'adolescence, c'est que dans une famille normale, la crise d'adolescence, elle est aussi faite de l'idée que je vais repousser mon père ou ma mère, mais et que je vais tester cet amour et voir, en fait, si... et normalement, les parents restent toujours accrochés. Sauf qu'en famille d'accueil, bah, c'est pas ça, tu testes pas, quoi. Tu testes pas parce que, en effet, c'est la porte de sortie. Si toi, tu testes, si tu rejettes, si tu dis « Ah là là, vous me saoulez, là, je suis en train de vivre ma crise d'ado, j'ai mon syndrome de Peter Pan, blablabla », enfin, tout ce blablabla, on peut pas le faire quand on est un jeune de la protection de l'enfance. Donc, il arrive souvent qu'on la fasse après. Là, en famille d'accueil, si vous tapez une crise d'adolescence un peu trop forte, on vous montre la porte de la sortie, quoi. Donc, ça crée quand même une conformité forcée. Souvent, dans beaucoup de situations, en tout cas, je pense, arriver à un certain âge, arriver à l'âge où on souhaite faire ses propres expériences, ce cadre familial-là, il peut avoir aussi toujours quelque chose d'assez enfermant. Et quand les liens d'affection sont pas assez forts, en tout cas, les liens qui unissent les personnes de la famille sont pas assez forts, effectivement, les choses peuvent craquer. Et ça se caractérise soit en posant des actes, soit au contraire en se renfermant sur soi-même. Mais dans les deux cas, je pense que c'est aussi un réflexe de survie, en tout cas pour les enfants et les ados qui sont placés, parce que vous savez que votre avenir se joue aussi au fait de maintenir ce placement ou pas, quoi. C'est toujours le paradoxe de l'éducation. On veut élever nos enfants de manière à ce qu'ils deviennent autonomes. Guillaume Monod. Mais être autonome, ça veut dire que, comme l'on l'a dit, autonomos, on fait soi-même sa propre loi, on prend soi-même ses propres décisions. Donc on veut rendre un enfant autonome en décidant pour lui ce qu'il doit faire. Ce qui est le paradoxe le plus complet, qui prive complètement l'autonomie. Donc il faudrait pouvoir dire à un enfant, ben, on va t'éduquer pour que tu sois autonome, ce qui veut dire que nous, adultes, à un moment donné, on va décider qu'on te laisse faire ce que tu veux. Alors évidemment, c'est toujours le même problème, qu'un enfant fasse ce qu'il veut, ça sous-entend qu'il ne se mette pas en danger, qu'il ne mette pas en danger les autres, qu'il ne fasse pas des choses à risque de tomber dans la drogue ou des accidents. Mais c'est tout le problème de l'éducation. Je veux dire, on peut pas, il n'y a pas de risque zéro dans l'éducation. J'aurais même tendance à dire que si on veut que l'enfant puisse devenir adulte et majeur, il faut qu'il puisse prendre des risques. Si les parents, si les adultes, si les institutions, si les services sociaux, les CEF, les CER, si tout ça... pense tout pour l'enfant, fait tout pour l'enfant de manière à ce qu'il puisse y arriver que des bonnes choses, qu'il lui arrive rien de mal, c'est la meilleure façon pour ne pas les rendre autonomes, justement. Il parle pas de ce qu'il a vécu en prison. Donc, ce que moi, je peux dire, en tout cas, c'est que je pense que lui, il a eu une double peine parce que il avait pas une famille pour l'aider quand il était en prison. Donc, il a vraiment eu aucun repère, en fait. Après, quand il est sorti de là, le seul truc qu'il a dit, c'est que pour lui, c'était compliqué, même à l'heure actuelle, de pas avoir la tentation de recommettre un vol parce que maintenant, voilà, avec le casier judiciaire et tout ce qui s'ensuit, la vie à l'extérieur est beaucoup plus dure. Il a la sensation, en tout cas, qu'elle est plus dure. Il est ballotté d'endroit en endroit parce qu'il n'a pas de caution, il n'a pas de garant, il n'a pas forcément de sous. Trouver un travail quand on a un casier judiciaire, c'est très dur. Et puis quand on a déjà été un peu hors système, c'est compliqué de changer de strate sociale, de s'émanciper d'où on vient, surtout quand on a eu tous ces obstacles dans la vie. Mais voilà, être tout le temps en fait dans ce truc où il faut quémander à quelqu'un et il n'est pas comme ça. Il n'ira jamais quémander de l'aide aussi. Parce que quand on a été placé, qu'on fait partie du système, qu'on est les enfants de l'État, entre guillemets, on a envie aussi de se débrouiller, en fait, de se démerder un peu et de ne pas devoir compter sur les autres. Et on en a marre aussi, parce que déjà, des fois, les gens n'ont pas envie de nous aider aussi. Donc quand on se prend une porte, une fois, on se dit, mais en plus, les gens, moi, je suis en galère et personne ne veut m'aider, et ben, on ne recommence pas, on ne demande plus d'aide, quoi. Parce qu'en plus, le prix de cette aide, des fois, on ne peut pas le rembourser. C'était « Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte ». Épisode 2 « La famille ou la prison ». Avec Kevin et sa famille, Fanny, Loïc et Nicolas, Olivier Mignot, Lydie Boucher et Guillaume Monod. Production et coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Documentation Vanessa Chang, Véronique Lefaller, Estelle Ferrari et Corinne Chauvel. Prise de son Yann Frécy et Thibaut Nassin-Ben. Mixage Alain Joubert. Réalisation Gaël Gillon. Un documentaire de Pauline Mocor. Merci à toutes les familles d'accueil PJJ qui nous ont ouvert grand leurs portes, et plus particulièrement à la famille Perron, à l'équipe du Stémo de Coutances, Azouza Chouchi, Pierre Rouillet-Patrier, Delphine Holstein, Antoine Dulin du CESE, Marion Perrin et Yves Bonnardel. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter chez l'assistante sociale, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Demain, troisième épisode, filles violentes, déviantes ou dissidentes.